adorable. Les gentils petits poissons. Bonjour, les Golozos sont de retour. Nous allons vous raconter une belle histoire. Ici, c'est le chef des Golozos qui nous parle. Mais, qui a osé faire ça? Qui a osé? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais, c'est pas possible. Thank you. Oh, ils sont adorables avec leur masque à gaz. Petit cochon. qu'il n'était pas cochon, mais il n'était pas homme. Par cela coquin, se dit Fripon. Par cela coquin, petit cochon. Par cela coquin, petit Fripon. Par cela coquin, petit cochon. C'est pas de notre fond. Point. Thank you. j'aurais dû faire attention. Mon image, ça vient d'un remontant, on va tout emporter très loin, accroché à la porte, je monte l'escalier dans ma tête, je me perds de plus.